Il était une fois, dans le royaume des Anturies, un pays entouré de forêts profondes et de collines verdoyantes. Ce jour-là, tout le royaume était en fête. Le prince fort, courageux et aimé de son peuple, rentrait enfin au château. Son père, le roi Kali, l'accueillit avec fierté et le serra dans ses bras. Pour assurer l'avenir du royaume, le roi Kali annonça une grande nouvelle, un tournoi serait organisé afin de choisir la future épouse du prince fort. Très vite, dans toutes les villes et tous les villages, on ne parlait plus que de cela. Loin du château, près de la forêt, vivait une jeune fille nommée Cassandre. Élevée par son grand-père, elle menait une vie simple, proche de la nature. Un jour, en se promenant dans les bois, Cassandre découvrit un homme blessé. Sans hésiter, elle le soigna et le cacha dans une grotte. L'homme s'appelait Dalreyal. Pour remercier Cassandre, il lui apprit à tirer à l'arc, à monter à cheval et à se défendre. Peu de temps après, Dalreyal confia à Cassandre une mission très importante, prévenir son peuple d'un grand danger. Jour et nuit, la jeune fille chevaucha sans relâche. Grâce à son courage, elle sauva tout un royaume, puis elle rentra chez elle, sans demander de récompense. Un matin, dans la forêt, Cassandre aperçut un homme en danger. Un loup avançait lentement vers lui. Sans réfléchir, elle grimpa à un arbre et tira une flèche. Le loup tomba. L'homme était sauvé. Cet homme était le prince fort, blond et courageux. Le tournoi se termina par un grand bal au château. Cassandre, qui ignorait tout du concours, s'y rendit par curiosité. Elle portait une très belle robe et entra timidement dans la salle. Le prince fort la remarqua aussitôt. Il reconnut la voix de la jeune fille qu'il avait sauvée dans la forêt. Alors que certains doutaient encore, une vérité fut révélée, Cassandre était la fille perdue du roi Bari et de la reine Dalla. Elle était princesse depuis sa naissance. Le prince fort la choisit pour devenir son épouse, car elle était courageuse, gentille et juste. Leur mariage fut célébré par de grandes fêtes. Le royaume des Anturies vécut longtemps en paix. Et l'on raconta aux enfants l'histoire de Cassandre, la fille de la forêt devenue princesse grâce à son courage.